d'une mise à jour de son fichier client, la régie des eaux a entrepris en collaboration avec Listebou un recensement de tous les points de livraison eau et électricité. Régie des eaux demande à tout abonné de faciliter aux agents de Listebou l'accès aux équipements de comptage eau et électricité et de leur fournir toutes les informations utiles. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici les grands titres. Une dizaine de ménages ont quitté leurs habitations sur la colline Ega et en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura à cause des inondations. Reportage à suivre dès le début de ce journal. La commission Vérité et Réconciliation annonce que son travail d'exhumation des restes humains continue après-demain jeudi sur la colline Machiti de la commune Guiheta en province Gitega après la localité de Ruvubu où on a déterré plus de 7000 restes humains. Et les professionnels des médias sont appelés à respecter l'éthique et la déontologie de leur métier en période électorale. Le ministère de la Communication et des Médias, en collaboration avec Panos Grand Lac, organise un premier atelier sur le respect de la déontologie professionnelle. Et la question d'écoulement du café Cerise reste préoccupante. Après les réformes intervenues dans cette filière, nous appellerons notre correspondant Ngozi pour plus de détails. Et dans la chronique santé, on parle du traitement de la mycose des pieds. C'est la deuxième partie avec Dr. Belize Kaneza et les dermatologues. Isanganiro, la radio de l'avenir. Près de 10 ménages ont quitté leur domicile sur la colline Ega et en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura suite aux inondations. Ces chiffres sont fournis par l'administration de cette colline. Certains habitants de la localité disent qu'ils peuvent eux aussi dégager à tout moment, expliquant qu'ils sont fréquemment attaqués par des eaux. Ils demandent au gouvernement d'intervenir. Reportage Elinibel Nevigira. Il s'agit de la rivière Gasenyi qui déborde parfois pour couler vers les maisons de Gahahe, en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura, en cas de forte pluie. Par conséquent, près de 10 ménages ont vidé les lieux sur cette colline, dont 3. Les maisons ont été totalement détruites, dresse le chef de colline Gahahe. Un des habitants de la colline Gahahe regrette qu'il ait tout perdu. Ce qui reste est de sauver sa vie. Je reste seul ici. Ma femme et mes enfants sont tous partis, témoigne-t-il. La situation à partir d'aujourd'hui est aggravante parce que depuis novembre, nous avons vu un scandale compte tenu de la pression de la rivière. La rivière nous a détruit beaucoup de clôtures, beaucoup de maisons. Mais ce qui est très important, il n'y a pas de perte en vie humaine. Ma famille se trouve actuellement en exil. Ce n'est pas seulement ma famille, seulement, mais les habitants aussi. Si je trouve où je peux résider, moi aussi je compte partir parce qu'il n'y a pas moins de 6 fois. Une autre femme des environs affirme que ces inondations proviennent des canalisations inachevées en amont de la rivière Gasenyi. Elle se demande pour combien de temps ces habitants vont persister dans cette situation, alors que les autres ont déjà déménagé. Il y a un terrain qui a été viabilisé pour constituer les parcelles des députés, là en haut. Donc les canalisations lors de ces viabilisations sont inachevées, d'où les eaux nous attaquent dans les maisons parce qu'elles ne trouvent pas de voie. L'on se retrouve les eaux sous nos lits, où les enfants qui dorment au sol se retrouvent les matelas émergés sur les eaux en cas de pluie. Nous trouvons que c'est une situation délicate. Mais pour combien de temps? Il y a effectivement ceux qui ont déjà déménagé. Cependant, des machines de curage sont à l'œuvre pour que la rivière coule normalement dans son lit. Toutefois, ses habitants trouvent ces travaux inefficaces car, avance-t-il, la situation reprend en cas de pluie diluvienne. Merci Nibel. Les professionnels des médias devraient se surpasser, réserver un espace médiatique équitable à tous et user de leur professionnalisme dans le traitement et la diffusion de l'information. Cet appel a été lancé par le ministre de la Communication et des Médias qui, en collaboration avec Panos Grand Lac, organise un premier atelier sur le respect de la déontologie professionnelle en période électorale. Suivez les précisions du ministre de la Communication, Frédéric Nahimana, traduit par Ezekiel Nikoumenayo. Se référant à la déontologie professionnelle, la période électorale est une occasion pour vous d'informer la population sans toutefois s'ingérer dans des affaires politiques en donnant la parole à toute personne de façon équitable. Partant de votre rôle incontournable, c'est judicieux que vous ayez cette formation afin que vous puissiez vérifier les informations à diffuser avant, pendant et après les élections pour l'intérêt des candidats de la population et sans toutefois oublier celui du pays en se basant toujours sur la déontologie de votre profession. La population a droit à l'information bien vérifiée et en état réel. La presse doit respecter les règles régissant le journalisme pendant cette période électorale. Les fautes souvent commises par les professionnels des médias pendant la période électorale doivent être éviter par l'usage du professionnalisme afin de ne pas retomber dans les erreurs d'ignorance ou de confusion et par les conséquences honorer votre patrie. C'était le ministre en charge de la communication, Frédéric Nahimana. Plus de 7000 restes humains ont été exhumés des 8 fosses communes dans la localité de La Rouvour. Déclaration du président de la commission Vérité et Réconciliation ce mardi lors d'une conférence de presse qu'il a animée. Pierre Claver Ndaïcharié a annoncé que ses travaux continuent jeudi après-demain sur la colline Machiti de la commune Guiheta en province de Gitega. Adrien Dimorokundo. Dans cette conférence de presse, le président de la commission Vérité et Réconciliation, CVR, fait savoir que 7348 restes de corps humains ont été exhumés dans la cité de la Rouvour, dans la commune Chombo, en province de Karous. Le bilan total des victimes excavées à ce jour est de 7348. 7348 personnes tirées des 8 fosses communes sur le site de la Rouvour. Point n'est besoin de mentionner qu'il y a des restes devenus totalement broyés. Pierre Claver Ndaïcharié indique que bien qu'il quitte la cité de la Rouvour, cette commission va laisser un groupe de personnes pour le suivi du fait qu'il y a des informations disant qu'il y aurait d'autres fosses communes dans cette localité. Le chantier de la Rouvour n'est pas encore terminé. Il y aura une équipe qui va rester sur le chantier de la Rouvour et d'autres éléments de la commission vont se déployer dès jeudi matin sur le site de Machiti. Le président de cette commission dit que ces travaux d'exhumation des restes de corps humains vont continuer ce jeudi dans la colline Machiti de la commune Guiheta en province de Gitega. Jeudi de cette semaine, à 10h, nous allons lancer le chantier Machiti. À l'entrée de l'IRAS, nous avons déjà lancé les invitations que cette information soit relayée parce que nous voulons avoir un maximum de témoins. Pierre Claver Ndaïcharié appelle la population burundaise de donner des informations des endroits où on dit qu'il y a des fosses communes à cette commission. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. 3 chefs-lieux des communes sur 7 ont l'électricité. Des travaux d'électrification sont en cours pour 3 autres communes de la province Muyinga, telles que confirmées par le chargé de la planification dans cette province. Ngakiro reste en arrière, mais des poteaux électriques sont massés devant les bureaux de la commune depuis une vingtaine d'années. L'administrateur de cette commune annonce relancer le projet d'électrification, précisant que ces poteaux étaient pour un projet abandonné à mi-parcours les années 2000. Dieudonné Zeyman. Dans les communes Gasogwe, Muyinga, Gashoho, l'électricité est déjà réalité, non seulement aux chefs-lieux de communes, mais aussi à certains centres de négoces comme Bugasare, Kiremba, Rugari. En commune Butihinda, Kobero est éclairé. Les travaux d'installation de pylônes pour l'électrification des chefs-lieux de communes Butihinda, Gitera, Nyebuhinyuza sont en cours. Un pas de géant dans le développement des communes. D'après Kamada Alberi, qui est responsable du service de planification en province Muyinga, le programme patine encore pour la commune de Mwakiro. Dans la cour du bureau communal, une centaine de pylônes sont amassés. Sylvie Muhimundu, administrateur de cette commune, précise que son matériel y a été déposé les années 2000 par des individus qui opéreraient pour le compte d'un projet d'électrification du milieu rural. On ignore jusqu'ici qui a détourné le projet. L'autorité communale actuelle relance les travaux. Un devis irrelatif a été demandé pour que cette commune, avec l'appui du gouvernement, puisse accéder à son développement. développement d'électrification du milieu rural. Ça permettra à certaines institutions comme les structures de soins, l'école à régime d'internat de bien fonctionner, mais aussi réduire le taux d'émission des gaz à l'air suite à l'usage du mazout pour faire fonctionner les ateliers de mécanique, les salons de coiffure, les moulins. Muyinga, Dieudonné, Nzeimana Radio Isanganiro. Merci Dieudonné. Et dans la province voisine de Ngozi, les caféiculteurs craignent de ne pas avoir à vendre leur récolte suite au retard des travaux de préparation des stations destinées à accueillir cette récolte. C'est au moment où certaines plantations atteignent la maturité. Le personnel rencontré au bureau de l'Office de développement du café disent ne rien connaître quant aux préparatifs, mais affirment que les craintes de la population sont fondées. Apollinaire Muzagara. Certains caféiculteurs comme ceux de Maramirundi indiquent que quelques caféiers atteignent déjà la maturité. Ils récoltent certaines cerises et les traitent à la maison. Ces citoyens affirment que dans 2 ou 3 semaines, la récolte proprement dite sera prête, alors qu'aucune activité de préparation pour accueillir cette production n'a été faite. Des activités qui, les années antérieures, commençaient selon eux avec le mois de novembre. Nous avons cherché à contacter le directeur technique de l'Office de développement du café. Son téléphone sonnait, mais personne ne décroche. Certains des travailleurs rencontrés au bureau de l'ODECA, ex-Sogestal, reconnaissent un grand retard quant aux préparatifs pour accueillir la récolte caféicole. Ils indiquent même que certains travaux durent même un mois, voire plus. C'est le cas de la remétallisation des disques, la réhabilitation des conduites d'eau, le désherbage des tables et autres. Cela arrive au moment où, selon toujours eux, on s'attend dans cette province à une bonne production caféicole en quantité et qualité. Dongozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Et les caféiculteurs de la commune Burambi en province Rumonge se lamentent également qu'ils manquent encore ou vendre leurs cafés cerises actuellement prêts à être récoltés. Ils disent qu'aucune orientation n'est donnée s'ils s'adressent au bureau provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage. Abel Naishimiye, directeur de ce bureau provincial, reconnaît les faits et informe avoir déjà alerté le ministère de tutelle. Selon lui, c'est de ce ministère que viendra la réponse à ce problème. Et 17 motos ont été octroyés aux directeurs provinciaux de l'agriculture et de l'élevage par le programme alimentaire mondial. Sa directrice pays au Burundi dit que ces motos vont aider dans la collecte des données. Et le ministère de l'agriculture et de l'élevage salue ce geste et signifie que ces motos vont leur permettre d'améliorer et de bien coordonner le système de collecte. On parle femmes maintenant, des femmes actuellement conscientes de leur contribution dans le développement familial. Cela est dit par une femme peintre au marché de Kinama, en mairie de Bujumbura. Elle fait savoir que grâce à son métier, elle est capable de nourrir sa famille. Néanmoins, cette femme déplore que le capital insuffisant soit l'un des défis majeurs auxquels elle fait face. Elle demande un appui financier pour faire avancer son métier. Vestine Boutoyi l'a rencontrée. Rosalind Ndakumana est une femme peintre de divers objets, dont les porte-bagages des vélos, qui serait âgée de plus de 60 ans. Nous la rencontrons sur son lieu de travail, tout près de la clôture du marché Kinama, en face de la route pavée traversant cet endroit. Elle est une seule femme peintre, entourée des cordonniers et des gens qui réparent les parapluies endommagés. Sur ses doigts, on y voit des peintures de diverses couleurs. Cette femme peintre fait savoir qu'elle exerce son métier parce qu'elle a constaté que rester à la maison ne vaut rien. Grâce à son métier de peintre, Rosalind Ndakumana affirme qu'elle est capable de nourrir sa famille. Constantin Niragira, avec ses cheveux blancs sur sa tête, nous signale qu'il est l'époux de Rosalind Ndakumana. Nous l'avons également rencontré au marché de Kinama. Il affirme que son épouse contribue considérablement dans le développement de leur foyer. Cependant, la femme peintre Rosalind Ndakumana déplore que l'insuffisance du capital soit un des obstacles majeurs qui handicapent ses activités quotidiennes. Elle les demande par conséquent un appui financier auprès des différentes organisations, spécialement celles qui militent pour la promotion des droits de la femme, pour qu'elle puisse entreprendre d'autres projets. Merci Vestine. De nouvelles brèves en international avant la chronique santé où nous allons parler du traitement des mycoses. La présence de criquets pèlerins dans l'est de la République démocratique du Congo a été signalée aux autorités le 19 février dernier. La semaine dernière, des représentants du gouvernement et de l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation FAO se sont rendus sur place pour évaluer la situation. Selon leur rapport, aucune attaque n'a encore été constatée sur les cultures, mais la situation reste très préoccupante. Et pendant ce temps, à Kinshasa, la riposte s'organise. Une réunion est prévue cet après-midi entre les autorités et la FAO. Il devrait être question des mesures qui seront prises pour faire face aux criquets pèlerins. Le budget de ces opérations devrait également être évalué. Sachez que ces derniers mois, 9 autres pays d'Afrique ont été frappés par le fléau des criquets pèlerins. Et le Sénégal signale son premier cas de coronavirus. Il s'agit d'un Français qui est rentré à Dakar mercredi sur un vol en provenance de France. Il a demandé une assistance médicale 2 jours plus tard dans une clinique privée, qui a ensuite contacté le ministère de la Santé du Sénégal, qui a déclaré que les autorités allaient contacter et surveiller les passagers du vol, ainsi que les autres personnes qui ont été en contact avec l'homme. Le patient testé positif au virus est actuellement hospitalisé. Sachez que le Sénégal est le deuxième pays d'Afrique subsaharienne après le Nigeria a annoncé un cas confirmé de coronavirus. Le président du Sénégal, Macky Sall, a appelé au calme et a déclaré que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour empêcher la propagation du virus. Place maintenant à la chronique santé. Radio Isanganiro, chronique santé. Les mycoses sont traitées pendant environ un mois. Docteur Belize Kaneza, dermatologue, explique que ces mycoses peuvent attaquer les ongles une fois que la maladie est maltraitée. Dans notre précédente chronique santé, elle nous a dit que les mycoses touchent généralement les pieds, entre les orteils précisément. Docteur Belize Kaneza conseille aux gens de toujours observer les mesures d'hygiène, notamment le changement régulier des chaussures. Ornella Mucho. Il y a différentes sortes de médicaments pour soigner les mycoses des pieds, comme des gels, des crèmes, des comprimés ou des poudres. Dr Belize Kaneza, dermatologue, propose aux gens qui ont les pieds secs à tremper les pieds dans l'eau tiède mélangée au citron et au sel pendant 10 minutes. Il conseille également les gens d'éviter de mettre les pieds dans l'eau plus de 15 minutes car cela nourrit les champignons. Il faut toujours bien sécher les pieds avant de mettre les chaussettes et donc les chaussures. Il faut toujours changer donc les chaussettes, c'est porté seulement en une journée et puis on change le jour d'après. Et puis il faut aussi changer les chaussures, donc il faut pas porter une seule chaussure d'affilée pendant toute une semaine. Si c'est possible, il faut toujours changer et les chaussures qui ont été portées par exemple aujourd'hui doivent être séchées, doivent être donc dans un endroit où c'est bien aéré, où il y a le soleil pour que on ne donne pas de chance à ces champignons-là de se développer. Le traitement de 6 mois au lieu de 1 mois est une des complications observées chez le patient qui s'est soigné tardivement. La première complication, normalement, c'est l'atteinte des ongles. Parce que l'atteinte des ongles, ça demande vraiment un traitement par voie orale à long terme, jusqu'à 6 mois même ou plus que ça. Et ces médicaments-là, normalement, ce sont des médicaments qui sont assez forts pour l'organisme humain. Une autre complication, donc, pour les gens qui souffrent de ces mycoses, des pieds, c'est que ces mycoses-là, ça laisse des petits plaies entre les orteils qui peuvent bien être une porte d'entrée pour les autres microbes qui peuvent causer des maladies comme ce qu'on appelle érysipèle, qui peut être une maladie donc même mortelle. Docteur Belize Kaneza demande les gens à toujours consulter le médecin en cas des premiers symptômes, comme une peau très sèche qui a tendance à se déchirer. Il faut toujours se faire soigner. Il y a des gens qui aiment bien soigner ça à l'aloe vera ou bien à l'huile de moringa. Je ne vais pas m'y opposer donc complètement, mais j'ai déjà vu par mon expérience, la guérison, ça n'est jamais totale avec ces substances. Donc, il faut toujours s'adresser à un professionnel de santé qui sait bien traiter ce genre de problème. Et surtout, comme j'ai dit, les mesures de prévention, il faut toujours suivre ces règles de l'hygiène pour garder ses pieds toujours propres et secs. La mycose des pieds est transmissible par contact direct entre personnes ou dans un environnement contaminé comme les vestiaires. Dr Belize Kaneza ajoute également que la transmission se fait par l'utilisation d'objets comme des coupe-ongles ou des vêtements d'une personne contaminée. Elle précise qu'interrompre les médicaments ou négliger les mesures d'hygiène, plus spécialement entre les orteils, pourrait revenir l'infection de ces mycoses. Merci Ornella Mucho, merci Dr Belize Kaneza pour ses éclairages sur le traitement de la mycose des pieds. C'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.